Allahu Ahad, l'unique, n'a pas d'associé, celui qui a les attributs et les noms les plus parfaits. Le créateur de toutes choses, Al-Khaliq, il crée à la perfection. Il a créé les cieux et la terre sans défaut dans sa création. Le protecteur de ses créatures, Al-Wali, protège qui il veut. C'est lui qui protège ses prophètes. Il a sauvé Ibrahim du feu. Le pardonneur des pécheurs, Al-Ghafur, il pardonne aux croyants. Celui qui pardonne à ceux qui commettent des péchés et qui se repent. Celui qui possède la générosité, Al-Wahhab, le généreux. Il donne à ses créatures, à toute personne qui est désireux. Celui qui possède la puissance et qui détient la royauté, Al-Aziz, le Tout-Puissant, qui commande l'univers et les voies lactées. Celui qui domine et contraint, Al-Jabbar, le dominateur. Il domine les cieux et la terre, maître du trône sublime, l'indulgent, le possédeur. Nous nous prosternons devant toi pour montrer notre reconnaissance. Nous sommes satisfaits de toi, Ya Allah, donne-nous un peu de ta science. Tu es l'unique qui n'a pas d'associé, nous le confirmons. Par notre cœur, par notre bouche, nous nous sommes soumis à un Dieu Tout-Puissant. Ar-Rahman, the compassionate and gracious. Ar-Rahim, the merciful, you made the earth spacious. Al-Malik, the king of all spaces. Al-Qudus, the holy who can never be replaced. As-Salam, bestower of peace and tranquility. Al-Mu'min, the ultimate grantor of security. Ya Allah, you are my life, I need you blessing me. Al-Muhaymin, protector of protectors. Al-Aziz, the mighty. Al-Jabbar, the compeller. Al-Mutakabbir, supreme in greatness, so majestic. Made us from clay, breathe of his spirit, he is ever blessed. Al-Khaliq, creator. Al-Bari, the maker. Al-Musawwir, he is the form shaper. Ya Allah, I think of you and I feel safer. Al-Ghaffar, the forgiver of the sinners. Al-Qahar, the subduer, the ender. Al-Wahhab, the bestower, no one's higher. Al-Razzaq, the provider, he's the greatest, he's the guider. Al-Fatah, the opener and judge of judges. Al-Aleem, all-knowing, his attributes are ongoing. It is his promises that keep me hoping. We give a few of Allah's infinite attributes. We say, Allah, we love you for everything you do. We show appreciation, repeat that you're the greatest, to prove we only wish to be in your good graces.